Appelle ton peuple à marcher d'un pas différent dans la nuit, à ne pas suivre les chemins qu'autrefois les hommes ont pris. Tu dis je suis l'Éternel, celui qui vous a fait sortir. Ne retournez pas vers l'ombre que je vous ai fait fuir. Ce n'est pas une loi sans visage, c'est une voix qui vient aimer, un chemin de liberté que tu proposes à marcher. Tu nous appelles à la sainteté, à vivre sous ton regard, non par peur mais par fidélité, pour garder la vie à part. Tu nous appelles à la sainteté, à aimer selon ton cœur, à refléter dans nos pas la lumière de ton amour. Tu poses des limites claires pour protéger ce que tu as créé. Tu veux garder l'amour pur, le cœur vrai, la vie en paix. Tu sais comme l'homme est fragile, comme le désir peut t'égarer. Tu nous offres un chemin stable pour ne pas nous perdre dans le secret. Tu ne nous enlèves pas la joie, tu nous montres comment l'aimer, dans la vérité, dans l'alliance, dans la dignité. Tu nous appelles à la sainteté, à vivre sous ton regard, non par peur mais par fidélité, pour garder la vie à part. Tu nous appelles à la sainteté, à aimer selon ton cœur, à refléter dans nos pas la lumière de ton amour. Tu veux une vie qui te ressemble, mais libre de t'honorer. Tu écris ta loi dans nos cœurs, plus profondément que sur la pierre. Et même au milieu des luttes, tu nous apprends à rester lumière. Tu nous appelles à la sainteté, à vivre sous ton regard, non par peur mais par fidélité, pour garder la vie à part. Tu nous appelles à la sainteté, à aimer selon ton cœur, à refléter dans nos pas la lumière de ton amour. Apprends-nous à marcher dans ta voie, à te ressembler chaque jour, à choisir la vie, la paix, à rester dans ton amour. Nous marchons dans ta lumière, gardé par ta vérité, et même dans ce monde fragile, tu nous conduis dans la sainteté.